s'ouvre entre mer et béton. Riders Kill navigue, chaque jeu un horizon. Des vagues de Sea of Thieves aux rues de GTA. Chaque univers respire, chaque pas est loin. Dans Rust, la boucole aux bottes base en flamme. Chaque raid forge notre nom, chaque tir proclame. GTA s'anime, voiture brûle, sirène hurle, Achille et Raiders Kill dominent la ville qui bouillonne. Sur Dune, le sable crie sous nos pas. Chaque tempête cache un piège, mais on ne plie pas. Wild West, supermarket, les caisses tombent et récrient. Les alliés chantent, chaque succès est un pari. La mer de Sea of Thieves balance les voiles. Nos équipages avancent, les trésors dévoilent. Riders qui l'écoutent, qui les protègent. Chaque monde est un défi, mais aucun ne nous arrête. Univers en fusion, feu et mer, terre et béton. Chaque monde en action. Des batailles de Rust aux courses de GTA. Chaque victoire trace notre saga. De dunes aux océans, des villes aux marchés. Nos voix s'élèvent prêtes à tout changer. Les pirates hurlent, le sable brûle, le béton tremble. Chaque attaque devient légende, chaque duel assemble. Riders Kill avance, stratège et guerrier. Chaque univers est conquis, aucun ne peut plier. On reconstruit, on rit, on pleure, on gagne. Chaque monde se plie à notre rythme, chaque alarme s'éteint. La solidarité traverse pixels et réalités. Chaque allié devient fort, chaque souffle liberté. Un souffle parcourt les mondes, un cri s'élève. Riders Kill sourit, prêt pour la prochaine relève. Chaque clic, chaque pas, chaque tir, chaque vague forge l'épopée, éclaire la route, marque le drap. Feu et mer, terre et béton. Riders Kill guide chaque jeu en action. Des batailles de Rust aux courses de GTA. Chaque victoire trace notre saga. De dunes aux océans, des villes aux marchés. Nos voix s'élèvent prêtes à tout changer. Notre nom reste gravé. Riders Kill disparaît, fier et droit, jamais brisé. Les univers s'éteignent doucement dans l'eau. Mais la légende continue. Chaque jeu est notre aurore. Rideau.